Arrive alors Vadius, qui a obtenu de Trissotin de connaître les femmes savantes, car il connaît le grec. Les deux pédants commencent par s'abreuver mutuellement de louanges, mais lorsque Vadius attaque involontairement les vers de Trissotin, tant apprécié du trio savant, une violente querelle éclate. Vadius s'en va. Avant de quitter la scène, Philaminte annonce à Henriette qu'elle veut la marier à Trissotin, et Armande pousse Henriette à suivre la décision de leur mère, Philaminte. C'est à ce moment-là que Chrysale, son frère Ariste et Clitandre arrivent, et Chrysale invite Henriette à saluer Clitandre qui lui présente comme son futur mari.